Et coucou, coucou Radio Joe. Après cette musique hypnotique, je dirais, c'est l'heure d'écouter des litres de salive sur le 89.5 de Joe. Aujourd'hui, une émission, ma foi, fort sérieuse, hein, dans laquelle on va parler de justice. Alors, c'est dans le cadre d'un festival qui est proposé par le collectif de spectacles de rue de la Laverie. Et dans cette émission, on va parler de certains moyens et outils de la justice non institutionnelle. On va voir ce qui est différent par rapport à celle-ci. On va voir ce qu'on appelle la justice restaurative, transformatrice, etc. Qu'est-ce que c'est? Comment ça peut être pertinent dans une perspective féministe? Tout ça, tout ça. Le tout à travers des brochures, des bouquins, des exemples de la fiction. Des litres de salive. Pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Alors, d'abord, tiens, je vais vous situer un petit peu d'où je parle, voilà. Donc, je suis une personne qui est une meuf cis blanche, donc je suis confrontée au sexisme, hein, je suis confrontée à la biphobie et plus épisodiquement à certaines formes de classisme. J'ai été témoin et j'ai participé à des processus de justice non institutionnelle quelques fois, dans des contextes variés, avec des problématiques de violence sexiste et sexuelle en jeu tout le temps. Et je me suis formée à ça comme j'ai pu. Dans cette émission, donc, on va parler de justice transformatrice, restaurative et compagnie, et expliquer ce que c'est en s'appuyant sur des écrits, par exemple, du collectif Hacking Social. On va parler aussi de quoi faire, comment, dans des situations concrètes, en s'appuyant sur un zine qui s'appelle le Jour après jour, en donnant un exemple fictif qu'on pourra analyser. Il y aura également une petite mise au point concernant les discours réactionnaires, alors souvent au sein de nos propres groupes sociaux, voire groupes militants. Donc des discours sur les discours réactionnaires qui se déclenchent face aux pratiques de justice non institutionnelle, spécifiquement face à celles qui font partie des outils de l'autodéfense féministe, comme de par hasard. Je vais parler plutôt de pratiques qui peuvent être mises en place quand il y a des violences entre individus. Voilà, je ne vais pas forcément parler de ce qui peut être mis en place au sein de collectifs, par exemple, ou alors je ne vais pas en parler beaucoup. Et des trucs qui mettent en place, qui mettent en jeu des rapports de pouvoir systémiques, des questions de violence sexiste et sexuelle. La justice non institutionnelle, elle recouvre beaucoup, beaucoup de choses dont on n'aura pas le temps de parler, avec par exemple la pratique des cercles restauratifs, qui souvent ils sont plus adaptés à de la gestion de conflits, hein, d'ailleurs. Et on verra la différence conflit. Agression, tout ça. Et ils sont censés tenir compte des oppressions systémiques quand on les pratique correctement, les cercles restauratifs, voilà. Il y a aussi tout ce qui concerne ce qui est mis en place dans les lieux collectifs. J'ai dit, on ne va pas en parler, mais les protocoles, hein, les décisions collectives, les décisions de ce qu'on accepte ou pas en termes de propos oppressifs, par exemple, etc. Donc c'est vaste, hein, et c'est impossible de tout balayer en une heure. Et je vais commencer donc avec pas mal d'extraits du bouquin et des chapitres sur les justices restauratives et transformatrices. Donc le bouquin du collectif Hacking Social. Ce bouquin s'appelle « En toute puissance ». Je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est pour attirer les lectrices fans de développement personnel, mais Bref, voilà, c'est un bouquin pour, en gros, développer son autodétermination et qui s'appuie sur tout ce qui est psychologie sociale et compagnie. Bref, c'est très, très bien. Et donc, cette première partie où je m'appuie sur des écrits de ce bouquin sur les justices restauratives et transformatrices, elle va être un petit peu dense. Voilà, les lectures, elles vont être un peu denses. Ça va permettre de capter une typologie, les différentes formes de justice, tout ça. Mais il va falloir s'accrocher un petit peu. Donc, c'est un collectif qui fait de la vulgarisation à propos de psychologie sociale. Il est connu pour sa chaîne YouTube qui s'appelle Hacking Social, anciennement Horizon Gull. Et donc, le bouquin dont je parle, il est sorti il y a 3-4 ans et ça compile un petit peu leur boulot. Et donc, il y a un chapitre, ça fait 3 fois que je le dis, non ? Eh ben dis donc, on le saura. Sur les justices non institutionnelles, restauratives, transformatrices avec, et compagnie. Voilà. Et donc, je vais lire des extraits. Et donner des définitions. Howard Zerr, un criminologue, définit la justice restauratrice comme un processus visant à impliquer dans la mesure du possible ceux qui sont concernés par une infraction spécifique afin d'identifier et de traiter collectivement les préjudices, les besoins et les obligations afin de guérir et de rendre aussi juste que possible la situation. Pour bien comprendre ce que c'est la justice restauratrice, il nous faut en premier lieu voir les conceptions de la justice traditionnelle. Quand une personne commet un tort contre une autre, la justice considère qu'il y a un état d'injustice et que pour le corriger, l'offenseur doit subir une souffrance proportionnelle à celle de la victime. Quand il a reçu cette souffrance, on estime que l'équilibre a été rétabli. Ainsi, plus la punition est sévère, plus on estime, dans la justice traditionnelle, que les personnes seront dissuadées de faire ces actes ou de les recommencer. Le focus de l'injustice est centré sur l'offenseur. Pour résoudre la situation, il s'agit de le punir, mais les conséquences de l'offense chez la victime ne sont pensées qu'en termes de réparation matérielle. Il y aura des dédommagements, par exemple. Le crime lui-même est considéré avant tout comme un viol de la loi, donc un affront contre l'État. Ce qui met, encore une fois, là où les victimes en second plan, en rôle de figurant. La scène de justice est principalement centrée sur ces acteurs professionnels, que ce soit le juge, les avocats, les professionnels en amont comme la police, ou en aval comme la prison, la réinsertion. Les offenseurs et victimes doivent passivement suivre le processus de la justice. C'est une affaire d'État, gérée par ces acteurs professionnels qui ont le pouvoir de la décision finale. La justice habituelle n'a pas cette conception par hasard. Elle est une institution faite pour gérer les situations d'injustice. Laissée aux professionnels, distanciée des victimes et des offenseurs, on l'éloigne par exemple des formes chaotiques et apparentes de justice comme la vengeance. Ensuite, on va voir ce que c'est de façon générale la justice restauratrice. Elle considère pour sa part que le crime est d'abord une violation des personnes. Le crime, l'offense, lèse une victime parce qu'elle y perd son pouvoir personnel, son autonomie, parce qu'elle en est traumatisée à divers degrés de gravité. Ce trauma sapant son autonomie, par exemple une personne cambriolée ne se sent plus en sécurité chez elle, craint les allées et venues autour de son domicile, etc. Ces violations de la personne et des relations interpersonnelles sont considérées par la justice restauratrice comme créant des obligations pour l'offenseur, ses obligations centrales étant de réparer les torts. Voici un comparatif des conceptions générales de la justice habituelle telles qu'on les a vues au-dessus, avec celle de la justice restauratrice qui conçoit différemment les choses. Donc en justice habituelle, le crime est considéré comme un viol de la loi. L'injustice est réglée si l'offenseur souffre à hauteur de ce qu'a souffert la victime. Les professionnels de justice sont les seuls habilités à rendre justice, à décider ce qui est le plus approprié à faire selon les lois et échanges entre professionnels. Il est considéré que la victime est satisfaite lorsque l'offenseur est puni, qu'elle a eu un dédommagement matériel quant à l'offense. Les problèmes posés par l'offenseur et son offense sont considérés comme réglés lorsqu'il a été puni ou écarté de la société. L'offenseur ne peut comprendre les méfaits de ses actes que par la punition ou l'éviction. Alors que, en justice restauratrice, le crime est considéré comme un viol de la personne et des relations interpersonnelles. L'injustice est réglée si les torts ont été réparés, que la victime est satisfaite de ses besoins, que l'offenseur a reconnu le tort et l'a réparé, que la collectivité n'est plus inquiétée par ce tort. Les professionnels de la justice sont à disposition pour aider à trouver des solutions satisfaisantes et justes pour la victime, la collectivité et l'offenseur, mais ne décident pas à leur place. Le crime est considéré comme atteinte au pouvoir et à l'autonomie de la victime. Une façon de rendre justice est donc de l'aider à retrouver du pouvoir. Il est considéré que la victime est satisfaite lorsque ses besoins sont comblés, donc autonomie et sécurité, que la réparation leur permet de retrouver leur pouvoir, qu'elle a pu exprimer tout ce qu'elle avait à exprimer à l'offenseur et qu'elle a pu obtenir tous les éléments qu'elle avait besoin de savoir, qu'elle a pu avoir tout ce dont elle avait besoin en information, réparation, transformation de l'offenseur face aux sapages et traumatismes possibles que cette situation a induit en elle. Les problèmes posés par l'offenseur et son enfance sont considérés comme réglés quand celui-ci a pris réellement conscience des conséquences de ses actes, qu'il a exprimé une réelle volonté à réparer ses offenses, qu'il a effectivement mené ses réparations, que la collectivité et la victime sont compensées et satisfaites au mieux. L'offenseur ne peut comprendre les méfaits de ses actes que lorsqu'il écoute vraiment la victime et la collectivité, répond à ses questions, voit, entend les conséquences de ses actes, comprend les liens que cela a détruits chez la victime, la collectivité et ses propres liens aux personnes. Donc, la justice restauratrice vise l'objectif de rendre la situation plus juste et pour cela, elle va mettre en place des processus visant l'autonomie, sa restauration chez la victime et la communauté touchée, la responsabilité assumée et appliquée chez l'offenseur. Les buts de la justice réparatrice, et restaurative c'est pareil, hein, réparatrice, restaurative. Donc les buts de la justice réparatrice, c'est la paix et la transformation sociale, l'empuissantement, la responsabilisation, que les victimes soient impliquées dans le processus et en ressortent satisfaites, que les offenseurs comprennent comment leurs actions ont affecté d'autres personnes et qu'ils assument la responsabilité de ces actions, que les résultats aident à réparer les torts et à s'attaquer aux raisons de l'infraction. Des plans spécifiques sont adaptés aux besoins de la victime et de l'offenseur. Les deux parties ont le sentiment que l'affaire est close et toutes deux sont réintégrées à la collectivité. Voilà, fin de la citation pour l'instant. Donc en gros, ce qu'on pourrait dire, c'est que la justice rétributive, donc la justice traditionnelle, elle est pas mal centrée sur punir les personnes qui transgressent la loi de l'État et des institutions, alors que la justice restaurative, elle est plutôt centrée sur les besoins des victimes et la réparation du lien social entre tous. Ensuite, la justice transformatrice, alors, qu'est-ce que c'est ? Donc je vais lire un autre extrait du bouquin de Hacking Social pour essayer de la définir. Donc, quelle est la différence entre justice transformatrice et réparatrice ? Au fond, la différence entre les multiples approches de justice peut se saisir à partir des questions que l'on peut se poser face à un crime. On voit bien que justice restaurative et justice transformatrice peuvent bien fonctionner ensemble, même si la perspective est différente, elles peuvent se compléter et s'opposent intrinsèquement à la vision propre à la justice rétributive. Pour les chercheuses et militantes de la justice transformatrice, la justice restaurative, en s'institutionnalisant, a pu perdre de vue les causes premières, voire se calquer sur le modèle punitif rétributif de la justice habituelle. Par exemple, la militante Ross Morris parle d'un juge qui, avant le processus de médiation, avait hâte de faire payer l'offenseur pour ses délits. Il est reproché à la justice restaurative une vue courte, trop centrée sur le présent, et de ne pas voir les problématiques vastes comme les discriminations, les oppressions, les problèmes sociaux distaux, politiques, et donc de ne pas en tenir compte pour comprendre le délit et y répondre. Elle reproche notamment le mot « réparateur » qui induit chez les victimes le fait que le passé puisse être rétabli comme avant. Or, ce n'est pas le cas avec certains traumatismes qui laissent des traces irrémédiables et il est plus censé d'opérer pour eux une transformation. Le monde ne peut pas être rétabli comme avant, la douleur est là et la transformation est une construction nouvelle prenant en compte ces deux faits tels qu'ils sont. Ross Morris dit aussi que la justice restaurative ne prend pas en compte l'injustice structurelle du système judiciaire, qu'elle parle peu du racisme structurel, du classisme. Or, ne pas prendre cela en compte, c'est possiblement reproduire des mécaniques problématiques. Elle donne l'exemple d'un voleur. La justice restaurative traiterait le fait afin qu'il répare la personne volée et l'affaire serait soi-disant réglée. Mais s'il est pauvre, c'est ajouter une violence supplémentaire que d'ignorer que c'est la problématique de la pauvreté qui a déterminé son comportement. N'est-ce pas là toute la thématique de la précarité qui est à étudier ici ? On verra que la justice transformatrice non seulement pense la réparation, mais aussi traite de ses problèmes. En justice réparatrice, l'incident est une violation des personnes et des relations. Cela crée des obligations de bien faire les choses. La résolution consiste à examiner le préjudice causé par l'incident et à demander comment ce préjudice peut-il être réparé, quelle règle a été enfreinte, qui a été blessé et quels sont leurs besoins, qui est à blâmer. Alors que, d'un autre côté, en justice transformatrice, l'incident peut être le résultat en partie de relations et de systèmes sociaux malsains. Cela crée des obligations de nouer de nouvelles ou de meilleures relations. Cela doit se faire non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau des structures sociales et des politiques institutionnelles. La résolution implique de modifier les systèmes sociaux plus larges, de manière à aider à prévenir l'apparition et la réapparition d'incidents préjudiciables. Donc les questions qui se posent sont : qui est obligé de répondre à ses besoins ? Quelles circonstances sociales ont favorisé le comportement préjudiciable ? Quelles similitudes structurelles existent entre cet incident et d'autres ? Quelles mesures pourraient empêcher de futurs événements ? Donc même si les termes de justice restaurative et justice transformatrice peuvent parfois être employés de façon synonyme pour décrire un même paradigme novateur de la justice, la justice transformatrice peut avoir des ambitions plus radicales et peut engager des façons de faire supplémentaires qui portent sur la transformation, le tout en opposition avec le système pénal officiel. Some day get beaten and not as locked up, for fighting for a world that's less fucked up. And if you think different and if you misbehave, they will lock you up, they will put you in a cage. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Systematic violence to all that object, getting tied with your hands to your bed. And this is what they call justice. This is what they call fair. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Tear apart the walls that keep us from each other. And I wish I knew you were safe, but you just never know. In the hands of the state. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let us tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. C'était System Failure, ça s'écrit C-I-S comme cisgenre. Donc le groupe System Failure avec Tear Walls Apart. Donc c'est une chanson qui parle de brûler les prisons. Voilà. On va faire un petit interlude lexique et explication sur des idées et des mots pas mal employés quand on discute de justice transformatrice, de tensions au sein des milieux militants, tout ça, tout ça. Donc je définis ces trucs, moi, plutôt dans un contexte violence sexiste et sexuelle et leur gestion. Hein, voilà. Donc, nous avons le call-out. Alors, le call-out, par exemple, MeToo, c'est quand même un méga call-out collectif. Donc, un call-out, ça va être une dénonciation publique d'une personne ayant commis des violences sexistes et sexuelles. C'est une méthode à laquelle on recourt généralement quand les autres méthodes ne donnent rien ou ne sont pas envisageables. Le canceling, deuxième mot, le canceling, alors c'est appelé au boycott d'une personne, plutôt sur les réseaux sociaux, mais pas que, parce qu'elle a commis des violences sexistes et sexuelles. Ensuite, la pureté militante. Alors la pureté militante, ça pourrait être une attitude critique. Non, c'est une attitude critiquée. Oui. Bref, les gens critiquent, voilà la pureté militante. Parce que c'est une attitude de rigidité et de dogmatisme dans des contextes militants. Elle est accompagnée de jugements moraux sur tout ce qui se détournerait du dogme, par exemple du dogme du féminisme. Voilà, je vais donner un exemple extrêmement caricatural et stupide, mais c'est pour que vous essayiez de situer. Donc par exemple, « Ah, mais comment tu peux te prétendre féministe alors que tu as un motif de banane qui est phallique sur ton t-shirt ? Nous te jugeons. » Voilà, désolé pour l'exemple, c'est quand même plus subtil que ça en général. L'idée... Autre idée ou concept, ou voilà, c'est cette idée, ce truc-là, de la différence entre le conflit et l'agression. Donc, un conflit, ça naît d'un désaccord qui dégénère, en gros. Il peut y avoir de la violence verbale et compagnie, mais personne ne se trouve écrasé personnellement et maltraité dans un conflit. La violence éventuelle n'est pas à but de délégitimer, humilier et violenter la personne en face. Elle n'a pas pour but de la dominer et d'avoir du pouvoir sur elle. On essaie de montrer qu'on a raison, alors que dans une agression ou plusieurs agressions répétées, on a pour but sous-jacent d'écraser l'autre. Et ça peut parfois être dur à déterminer dans certaines situations. Mais il existe, par exemple, dans les outils féministes, un tableau qui sert à déterminer si une situation elle relève du conflit ou de l'agression, avec une prise en compte d'une utilisation ou pas d'un rapport de pouvoir. La question pour la peur, pour son intégrité physique, etc. Donc si on s'arrête seulement au titre du bouquin de Sarah Schulman, « Le conflit n'est pas une agression », quand même, on rate un petit peu des trucs. La plupart du temps, dans la vraie vie, crier à l'agression quand il n'y en a pas, c'est pas le plus courant, en fait. Dans la vraie vie, les personnes, elles vont adopter des comportements agressifs et dominants parce qu'elles le peuvent, qu'elles en ont l'habitude, et on est tellement habitués nous-mêmes à ça qu'on va l'étiqueter comme seulement du désaccord. C'est plutôt dans ce sens-là que la confusion va se faire. On va pas trop oser remettre ça en question parce que c'est compliqué. Ou alors, on va capter qu'il se passe ça, mais ça sera compliqué quand même. Donc, dans la vraie vie... Alors, je dis la vraie vie, ça comprend Internet et les réseaux sociaux, la vraie vie, on est d'accord. Donc, la plupart du temps, on est soumise à des rapports de pouvoir dans les relations et les personnes dominantes s'assoient confortablement dans leur domination, allant de la violence verbale à la menace plus ou moins subtile ou plus loin. Et elles font passer ça pour de simples désaccords et conflits. Et le niveau de violence, il est généralement assez élevé. Et maintenant, après cet interlude lexical, on va écouter la rappeuse Huda avec Nome Kayo, Je me tairai pas. Pa' quien quiera en esta guerra gallos. Solo me rayo, si me quedo callada. Mamá, yo a ti no te fallo. Que no me callo. Antes que me parta un rayo, antes estallo. Ya no me paro, he apostado todo a este caballo. Me he enterado de que tu amigo ha violado. Y tú callado, subiendo fotitos. Porque está pegado y se ha acabado. Esa mierda se ha acabado. Esta es la industria que tenemos y todo la habéis pagado. El camerino lleno de niña, el manager trae cocaína. Los chavales y la cima cuidando por si alguien filma. Deja que trague saliva, que esto me llena de ira. Que hasta quien pensé valía, esa mierda tiene vida. Yo no me callo, mato a quien quiera en esta guerra de gallos. Solo me rayo si me quedo callada. Mamá, yo a ti no te fallo, que no me callo. Antes que me parta un rayo, antes estallo, ya no me paro, he apostado todo a este caballo. Y pienso entrenar, soy la mejor hasta que diga mírala. Pare de dibala, donde la explicará, anúlate que yo la que gana tu mejor ficha la. Pienso entrenar, soy la mejor hasta que diga mírala. Pare de dibala, donde la explicará. Mira ta pícara y traigo agua para el seco, no grito pero hago eco. Siempre abriéndome un hueco, mienten, lleva chaleco, no sientes lo que yo siento. Agua pa'l seco, rezo si pesco, to' te leñeco, to's igualito, parecen muñecos. To' niños chicos, el patio al completo. Te tiran, te tiran, te tiran porque quieren que estés en el suelo. Y luego vas pa' arriba y todos quieren del queso. Un sueño cumplido, un sueño perdido, según lo veas, amigo mío. Todo lo que escribo lo he visto, todo lo que escribo lo vivo y has sentido frío. Ya he seguido el río, que he dejado mi abrigo. Yo no me quejo, solo lo digo. No juzgo y el ejemplo es lo que predico. Nunca falto el trigo sobre un plato por si venías conmigo. Yo no me callo, mato a quien quiera en esta guerra de gallos. Solo me rayo y me quedo callada. Mamá, yo a ti no te fallo, que no me callo. Antes que me parta un rayo, antes estallo, ya no me paro. He apostado todo a este caballo, yo no me callo. Et pour continuer, j'ai envie de parler d'une brochure qui m'a un petit peu révolutionné la vie quand je l'ai lue, qui parle de comment on peut gérer les violences dans des contextes intracommunautaires. C'est une brochure qui s'appelle « Jour après jour, violence entre proches, apporter du soutien et changer les choses collectivement ». Voilà, tout un programme. C'est parti. Alors, d'où elle vient cette brochure ? Je vais lire un extrait de l'intro pour qu'on le sache. Nous sommes réunis entre 2011 et 2015 pour réfléchir aux pratiques collectives de prise en charge de situations de violence et d'agression internes à nos cercles, dans ce que nous définissons comme notre communauté, un assemblage d'identités politiques, de liens affectifs et de proximité militante. L'idée était de prendre du recul, de s'extraire de contextes d'urgence pour malaxer nos idées, questionner nos pratiques et nos expériences de médiation, de gestion, de soutien, d'accompagnement, que ça soit dans des situations de violence ou de conflit, d'agression ou de violence à caractère sexuel. Nous ressentions le besoin de complexifier nos analyses et nos pratiques qui jusqu'alors étaient plutôt centrées sur des situations hétérosexuelles afin de mieux appréhender les violences entre meufs, gouines et trans puisque c'est la communauté dans laquelle nous nous reconnaissons et notamment travailler avec les personnes auteurs. Donc on voit que le type de prise en charge qui est discuté dans la brochure, il est plutôt adapté à des groupes sociaux de culture féministe, sensibilisés aux questions d'agression. Alors c'est pas fait pour des contextes hétéros à la base, mais je trouve que la brochure, elle peut être très utile aussi dans ces contextes-là. Il y a une partie qui est tout à fait concrète dans la brochure de pistes et de conseils sur la prise en charge, sur quel est le cadre des violences, comment on fait pour accompagner la personne qui les a vécues, pour accompagner la personne autrice, pour écouter, chercher du soutien pour soi-même quand on accompagne aussi. La brochure, elle utilise plusieurs fictions pour montrer comment on peut faire pour gérer les situations, donc sur l'aspect technique, mais aussi pour faire capter ce qui peut être en jeu au niveau des émotions. Donc la fiction, c'est utile quand il s'agit de transmettre des méthodes et de donner des exemples en justice transformatrice et en prise en charge de violences sexistes et sexuelles ou pour d'autres formes de violences parce que ça permet de se projeter par rapport à ce qu'on ferait, de réfléchir à des situations sans être prise dans l'urgence, dans les émotions suscitées par une situation qui peut nous toucher personnellement. Et dans le cas, comme dans une brochure ou comme ici, où c'est discuté publiquement, ça permet... passer par la fiction, ça permet de ne pas transgresser la confidentialité qui est essentielle à plusieurs niveaux dans ces processus. je vais reciter la brochure. Une partie de cette brochure a pris la forme de récits de fiction. Nous avons fait ce choix pour sortir de l'opposition théorie-pratique. Nous voulions exposer différents enjeux par des descriptions de situations concrètes, mais sans mettre à nu nos propres histoires. Ces situations inventées explorent nos doutes et nos difficultés bien réelles, mais aussi nos espoirs, nos tentatives de créer des imaginaires qui iraient chercher plus loin. D'éventuelles ressemblances avec des situations vécues proviennent du fait que ces situations sont très courantes. Voilà, fin de la citation. Alors, pour l'émission, j'ai fabriqué une situation fictionnelle pour pouvoir donner un exemple ici. Cette situation, c'est pas une situation que j'ai connue, ni même un mélange de situations que j'aurais connues ou pas. En fait, le contexte, les personnages sont pas inspirés d'une vraie situation, mais on a... En fait, ce qui est mélangé et modifié, ça va pas être les situations, mais plein d'enjeux qui peuvent se rencontrer dans des situations données. Et il y a forcément des parties qui peuvent évoquer certaines situations vécues, surtout si on s'intéresse aux violences sexistes et sexuelles et à leur gestion, et où qu'on en a vécu. Enfin voilà, c'est ce qui est dit dans la brochure. Ce qui ressemble à la réalité, qui peut souvent se ressembler dans ces situations, ça va être les enjeux, les choses à prendre en compte, à mettre en place, et les questions qu'on va se poser. Ça deviendra plus clair peut-être avec le déroulement de l'histoire, mais j'ai choisi un truc assez simple, mais qui évoque tout de même des VSS, alors sous la forme d'un acte qui est un baiser forcé. Du coup, peut-être, si vous n'avez pas envie d'entendre parler de ça, il faut aller faire un tour et il ne faut pas écouter ce bout de l'émission. Je pense dans 10 minutes, 15 minutes grand max, ce sera fini. Voilà. Alors, donc... Je vais décrire la situation de base, les personnages et ce qui s'est passé. Donc les personnages, c'est d'abord Clem, Thomas et Eugène qui partagent un local pour leur pratique artistique. Le local, il est vraiment pas cher, c'est un petit peu un miracle d'en avoir trouvé un à ce prix-là. Et elles sont installées depuis 5 ans ensemble et ont des relations amicales entre elles. Et parfois, elles organisent des fêtes dans ce local. Alors, d'abord, Clem, c'est une meuf cis, blanche, issue des classes moyennes. Elle est en bonne santé mentale. Elle a un job alimentaire en plus de sa pratique. Elle est très proche de Eugène et elle est amie avec Thomas. Ensuite, autre personne du local d'artistes, c'est Thomas. Thomas, c'est un mec cis, blanc, issu partie haute des classes moyennes. Voilà. Il est en bonne santé mentale, il a un job en plus des revenus liés à sa pratique artistique. Il est ami avec Eugène et avec Clem, ses camarades d'atelier. Eugène, c'est un mec cis blanc issu plutôt des classes populaires. Il a des soucis de dépression, il n'est pas trop en capacité de travailler en plus de sa pratique artistique, qui est sa seule source de revenus. Autre personnage, Théa, qui est une amie de Thomas, et qui vient parfois au local quand il y a des fêtes. C'est une meuf cis blanche issue des classes moyennes et elle n'a pas de soucis particuliers de santé mentale. Ce qui se passe, c'est que lors d'une fête dans le local, il y a Eugène qui est bien ivre et qui discute avec Théa qui, elle aussi, elle a bien bu. Et au bout d'un moment, par surprise, il attrape la tête de Théa et puis il l'embrasse de force. Et Théa, elle est vachement surprise, mais elle participe en partie à ce baiser par réflexe. Et dans sa tête, bah, il se passe rien en fait. Elle a une espèce d'impression de page blanche comme ça sur le moment. À la fin du baiser, elle part aux toilettes. Elle se sent mal sans identifier très bien pourquoi. Et elle s'enfuit de la soirée. Pendant quelques jours, elle n'y pense pas. Et puis, elle croise Clem, la coloc d'atelier de son pote Thomas. Et Clem, elle lui demande comment ça va, tout ça. Et puis, vous aviez l'air de bien vous entendre avec Eugène. Vous vous êtes embrassés, non? Alors Théa, elle dit que oui, mais elle reste évasive. Et puis, les deux meufs reprennent leur route respective, comme ça. Mais du coup, Théa, elle repense à l'incident. Elle se sent pas très bien. Et elle commence à capter, en fait, ce qui s'est passé pour elle. Mais elle a un peu peur de faire des vagues. Elle se dit que si il a fait ça, c'est qu'elle a dû envoyer des signes, etc. Et même si vraiment ce qu'elle a vécu, si éventuellement elle accepte que c'est une agression sexuelle, bah, comment elle va faire pour en parler? Qui va bien réagir? Est-ce que son pote Thomas, il le prendrait pas un peu mal, il défendrait pas son pote. Est-ce que c'est si grave, en fait, comme acte? Et elle passe du temps à réfléchir à tout ça. Elle essaye de continuer sa vie normalement en attendant, mais voilà, ça, elle cherche quoi faire, quoi. À un moment, elle se rend compte qu'il faut qu'elle en parle, vu que, en fait, elle évite Thomas alors qu'ils sont super proches d'habitude. Elle peut pas juste passer outre, hein. Elle stresse de recroiser Eugène, elle stresse de retourner au local de son pote, etc. Donc elle envoie un message à son ami Thomas, il se voit et elle lui explique la situation. Donc Thomas, il a une réaction d'énervement contre Eugène, mais aussi il est un petit peu désemparé, il sait pas trop quoi faire. Il décide de mettre au courant Clem, donc la troisième personne du local, qui est peinée pour Théa, mais spontanément au début... Elle pense c'est un malentendu parce que Eugène, il n'est pas comme ça. Après discussion, tous les trois, ils décident de faire appel à des personnes qu'elles connaissent, mais qui ne sont pas trop proches et qui ont une pratique des outils féministes et de gestion des violences sexistes et sexuelles, de la justice transformatrice, etc. Et alors, à partir de là, eh ben, il se passe quoi ? Donc, nous, on va explorer un des traitements possibles de la situation, genre une des options... on va faire ça en simple et en résumé parce que ce sont des processus qui peuvent prendre beaucoup de temps et bien sûr qu'il y a beaucoup, de variabilité suivant comment les personnes réagissent et leur rythme perso. Mais disons que les personnes qui viennent appuyer la gestion de la situation, il y en a deux. Il y en a une qui va interagir avec la personne victime, l'autre avec l'agresseur. Et on dira que dans cette situation, l'agresseur, il est ouvert à entendre des choses, à se remettre en question et qu'il admet que ce qu'il a fait, c'était une agression sexuelle. Dans des situations où l'agresseur ne veut pas admettre ce qu'il a fait, des situations où il va aller questionner la victime ou possiblement il va essayer d'interagir avec elle en dehors de son consentement et d'un processus de réparation, bah, en fait, les possibilités, les options, elles vont être différentes. Mais on peut toujours organiser une discussion entre une personne victime et une personne qui va essayer de gérer les choses, avec une personne agresseuse et une personne qui va essayer de gérer les choses, voilà, pour estimer où en est la personne agresseuse au moins. Donc, beaucoup de possibilités de chemin selon les réactions et besoins des personnes à chaque fois, mais aussi selon leur situation sociale, hein, le cadre et tout ça. Donc, dans cette situation, la gestion commence. On organise une discussion entre A, qui sera référente de Théa, et Théa. Cette discussion, c'est un recueil de la parole de Théa. Un cadre précis va être posé sur les limites de cette rencontre et son contenu. Et par exemple, ce qui peut être dit à Théa en début d'entretien pour poser un cadre, ça pourrait être « Aujourd'hui, on va discuter de la situation, je vais recueillir ta parole. » Un recueil de parole, c'est pas une séance de thérapie. Si ça te fait du bien, c'est super. Et ça peut faire du bien de juste parler. Mais je ne suis pas qualifiée pour être dans le soin et je ne suis pas thérapeute. Je vais donc recueillir ta parole. Tout ce qui sera dit restera confidentiel. Tu peux raconter ce qui s'est passé. Ça peut être très succinct et tu n'es pas du tout obligée de donner des détails qui touchent à ton intimité, même si c'est possible si tu en as envie. Et c'est seulement pour avoir une idée des faits et surtout de ton point de vue. Il y aura une partie où on verra ensemble si tu as des demandes et des besoins particuliers par rapport à l'agresseur. Au lieu où ça s'est produit, si tu as envie de demander certaines choses à certaines personnes. Je demanderai si tu veux être tenu au courant ou pas de l'évolution des choses, si par exemple tu veux savoir ou pas ce qu'il en est de ton agresseur. À la fin, on regardera ensemble ce que tu es OK de communiquer ou pas pour la suite de la gestion de cette situation, et selon les besoins que tu auras exprimés, on formulera des demandes et on déterminera auprès de qui les faire. Dans un second temps, plus tard, on calera un moment pour se revoir et faire un point, et on peut estimer ensemble si tu as besoin d'aide et de soutien extérieur par rapport à ce que tu as vécu. Et on peut chercher ensemble des lieux où tu puisses recevoir du soin. Donc voilà pour un cadre de discussion possible. Et voilà, on va dire que dans la discussion, Théa, elle a besoin de... Ses besoins, ça va être que Eugène admet que c'est une agression... qu'elle a envie de le savoir s'il l'admet, qu'elle veut des excuses seule à seule avec lui, qu'elle veut retourner dans le local au moins une fois sans qu'il soit là pour guérir un petit peu son anxiété face à cet endroit. Disons qu'elle est OK que cette dernière partie des choses, elle soit discutée avec les autres personnes du local qui vont avoir à charge la logistique de l'organisation de ce moment et qu'elle ne veut pas de contact direct par message avec Eugène, donc le rendez-vous avec celui-ci sera organisé via A et B. Dans une entrevue de B, donc la personne en contact avec Eugène et Eugène, les demandes de TA peuvent être transmises. Le cadre posé à Eugène pour cette discussion peut être assez similaire à celui pour TA. On va retrouver la confidentialité, l'aspect non thérapeutique, le fait de déterminer ensemble ce qui peut être transmis ou pas, et la proposition de chercher du soutien, au moins d'avoir une personne avec laquelle parler, et peut-être des références de lieux d'écoute ou d'accueil pour les auteurs de violences. Les demandes et besoins de la personne agressée sont transmises et Eugène peut y répondre, dire s'il est OK ou pas. Il ne faut pas négliger la logistique liée à la communication, au choix des lieux, etc. Et ensuite, le processus suit son cours. On peut imaginer que les dynamiques entre les personnes qui utilisent le local vont demander aussi un travail de gestion parce que bah, voilà, Eugène il a agressé une proche de son ami Thomas. Peut-être que Thomas il va pas avoir très envie de le voir pendant un certain temps, tout en n'ayant pas envie de l'exclure, parce que ben, petit 1, il essaye de faire le taf et de réparer ce qu'il a fait à Théa, et petit 2, il est hyper précaire financièrement, et il a besoin du local au loyer très bas pour travailler. Peut-être aussi que Clem, elle va être tendue de partager son local avec un mec cis qui a agressé une autre meuf, on ne sait pas. Peut-être que le local, il va avoir aussi besoin d'un processus de gestion pour démêler tout ça, voilà. Peut-être que si les faits avaient été plus graves ou si Eugène n'avait pas voulu s'engager dans un processus de réparation, il aurait été exclu temporairement d'une partie des activités, voire du local. Peut-être que Théa, elle aurait dû s'auto-exclure définitivement du lieu. Peut-être que Thomas, en conflit avec Eugène, qui lui aurait été soutenu par Clem, aurait dû quitter le local. Enfin, chaque situation, elle va soulever des enjeux différents qui peuvent avoir des répercussions sur plusieurs relations, lieux. Il est crucial de tenir compte des rapports de pouvoir et des oppressions systémiques sous-tendues dans toutes ces situations pour essayer de ne pas reproduire la violence des structures sociales. Il est crucial aussi d'essayer au maximum de prendre soin des victimes, de leur donner de la place, suffisamment de place pour arrêter cette boucle infinie de silence, renoncement et de désespoir. La plupart du temps, ce n'est pas possible d'avoir recours à ce type de prise en charge. Ce n'est pas une pratique courante, pas vraiment dans les milieux dits politisés, conscients des oppressions, et puis encore moins dans les autres milieux sociaux. Ma conviction, c'est que si ça se développait, si cette logique de prise en compte de la personne victime et de l'écoute de sa parole, elle se développait avec différents modèles de prise en charge, tout ça, et bah peut-être ça atténuerait un tas de souffrances. Peut-être aussi on sortirait de ces limbes de culpabilité et de rage dans lesquelles les victimes sont souvent coincées à cause de l'inertie du monde face à ce qui leur arrive. We'll be right back. Et c'était HIRS avec le morceau You Can't Kill Us. Voilà. Ah, on va passer à une autre partie de l'émission, hein, du coup. On va parler d'une autre brochure, tiens, une autre brochure, Passion Brochure. En faisant des recherches pour cette émission, je suis tombée sur un zine qui m'a aidée à structurer des pensées que j'avais à propos d'un un malaise, un truc qui coince un peu aux entournures comme ça, là, voilà. Alors, on va y aller cash, hein, je vais vous lire un extrait, l'intégralité d'un extrait. Voilà, c'est un des chapitres de la brochure. Et vous allez vite avoir une idée de l'ambiance. Hein. Le chapitre s'appelle « Chier sur l'héritage des luttes féministes et ses outils, un passe-temps récurrent ». Le call-out, le call-in ou l'exclusion sont des outils qu'ont construit les luttes féministes au prix de nombreux combats. Dans les milieux militants, ces outils sont utilisés depuis peu. Il n'y a pas si longtemps, il était rare de pouvoir y dénoncer des violences sexistes et sexuelles. Sous prétexte que nous étions toutes des camarades, il était impossible de nommer les violences et le silence était de rigueur. Le sexisme intériorisé ainsi que l'effet de groupe ne laissaient que peu de place à la remise en question des comportements de nos camarades. Nommer des violences sexistes et sexuelles revenait quasi obligatoirement à s'auto-exclure. Sans parler des personnes LGBTQIA+, et de leurs enjeux propres qui étaient souvent invisibilisés dans nos espaces de lutte. Accusés de diviser la lutte, les réactions face à celles qui avaient le courage de dénoncer des violences sexistes et sexuelles au sein de nos milieux étaient au mieux l'indifférence, au pire le harcèlement, les menaces, les coups de pression et ou les violences. Aujourd'hui, la société ne peut plus ignorer ces sujets-là. Ainsi, parler des violences subies a été facilité pour beaucoup. Nous avons dû ouvrir les yeux sur le nombre impressionnant de violeurs et d'agresseuses autour de nous. Pourtant, nombreux sont les discours qui tentent encore d'invisibiliser ceux des victimes. Ces discours portent sur la soi-disant justice punitive qu'exerceraient les féministes et ne sont que d'énièmes tentatives de les bâillonner à nouveau. Il est de plus en plus courant de lire certains textes. Certains textes dénonçant ces outils de protection sous ce prétexte. Ces théories nous expliquent donc, au calme, que ces outils-là répondraient à une logique punitive et qu'ils viendraient briser des vies, rappelant au passage les arguments masculinistes. Complètement déconnectées de l'héritage des luttes féministes, ces théories vident de tout essence politique les violences sexistes et sexuelles. En effet, les agressions et viols sont transformés en récits qu'il faudrait traiter grâce à de la gestion de conflits. Une dénonciation de viol ou d'agression deviendrait à présent des récits qui s'affrontent, où la victime et l'agresseureuse violeureuse seraient mises sur le même plan. D'autres textes parlent carrément de dédiaboliser le viol et partent du constat que tous les viols ne sont pas monstrueux. Il est aussi question de ne plus voir les accusations de viol sous le prisme coupable-victime, mais sous un prisme humaniste où la parole des individus doit être entendue de manière égale, en effaçant au passage les rapports de domination qu'engendre une société capitaliste, raciste, validiste et patriarcale. Ces textes sont parfois écrits par des personnes fraîchement arrivées dans le milieu militant, qui sont aux prémices de leur réflexion politique. Plus grave, d'autres sont écrits par des féministes se disant révolutionnaires. Au-delà de condamner les outils, certains textes viennent carrément remettre en cause la pratique et les stratégies féministes, inversant l'angle de vue. L'accent est dorénavant mis sur les oppresseuses et non plus sur les opprimées, et la notion de soins communautaires féministes ou queer mise au service des agresseuses et des violeureuses. L'exclusion, le call-in, le call-out, désormais rangés dans le sac de la justice punitive, seraient donc motivés par un besoin de justice basé sur la punition des auteurs de violences sexistes et sexuelles. Cette approche est problématique puisqu'elle concentre l'attention sur les agresseuses et les violeureuses qui sont vues comme des victimes subissant une punition. De ce point de vue, toute dénonciation de violences sexistes et sexuelles viendrait donc automatiquement condamner les auteurs et auteurs, ce qui, dans les faits, est rarement le cas. Faut-il vraiment rappeler que dans les cas d'agression sexiste et sexuelle, la vraie victime est la personne qui les subit ? De plus, appeler justice punitive nos outils de lutte sous-entend que nous avons le même pouvoir que le système judiciaire étatique et les mêmes conséquences. C'est oublier que nous ne disposons pas du même pouvoir qu'un juge, qu'une juge ou qu'une procureure de l'État français, et que nous ne sommes pas toutes égales égaux face à la justice. Les rouages du système judiciaire français sont bien loin des méthodes employées par le milieu féministe, et les conséquences ne sont pas les mêmes. Dans la réalité, et en imaginant que nous le souhaitions, nous n'avons que peu de pouvoir de punir. Ce pouvoir de punition fantasmé est donc bien loin du concret. Par exemple, certaines exclusions qui ont eu lieu dans nos milieux militants n'ont jamais été réellement effectives. On retrouve souvent la personne exclue dans nos espaces, profitant d'une solidarité qui lui permet d'être toujours présente d'une manière ou d'une autre. Cette solidarité provoque de fait l'isolement des victimes, comme nous l'aborderons plus loin. De plus, ça sous-entend que les moyens d'autodéfense féministe apportent justice à certaines. Il semblerait pourtant qu'aucune victime n'en soit jamais pleinement satisfaite. Cependant, ces derniers sont des moyens de nous protéger, les seuls disponibles actuellement dans notre contexte politique, mais pas une fin en soi. La justice sociale se trouvera avec l'abolition de l'État, du patriarcat et du capitalisme. Voilà. Donc c'était un extrait du chapitre 3 de cette brochure qui s'appelle « Ceci n'est pas un call-out ». Je conseille vraiment de lire l'intégralité de la brochure. C'est vraiment bien. La brochure, elle est bien structurée. Alors, étant moi-même un petit peu à fond de pratique de justice transformatrice, il y a des phrases qui me raclent un petit peu, là. C'est un peu dur à lire. Mais en même temps, les critiques de ces modes de prise en charge, les critiques de la justice transformatrice, tout ça, elles portent sur des problèmes réels dans des situations où les pratiques ont été dévoyées, mal utilisées, et c'est clairement dit dans la brochure, donc ce sont des critiques fort pertinentes. Et dans la brochure, on va retrouver des questionnements et des critiques sur plusieurs thématiques, donc sur l'invisibilisation de l'utilité des outils féministes de gestion des agressions. Cette invisibilisation qui va aller alimenter un truc de critique. Donc la critique de l'exclusion des agresseureuses, l'accusation d'avoir des logiques punitives alors que ces prises en charge, elles sont guidées par une prise en compte des victimes et de leur reconstruction. Il va y avoir des questionnements critiques sur cette accusation de faire comme la justice punitive, alors qu'encore une fois, c'est guidé par la prise en compte des victimes et pas par de la punition. Des critiques sur ce truc d'influence de l'individualisme, du libéralisme et de courants de développement personnel et même de New Age sur un espèce de relativisme du statut de victime. Voilà. La brochure, elle va parler aussi de ce que c'est de ce discours de « ça peut arriver à tous d'agresser ». Et ce discours, il va parfois invisibiliser le fait que tout de même, ça arrive plus à certains groupes sociaux qu'à d'autres d'agresser, que ça se passe pas pareil pour tous, et que certains groupes sociaux, de fait, agressent beaucoup plus, ils sont encouragés par les normes sociales et sont protégés par les mêmes normes lorsqu'ils le font. Il va y avoir aussi questionnement et critique sur le fait d'imposer la justice restaurative comme seule possibilité parce que c'est le bien et que la violence, c'est mal. Alors que, par exemple, la victime peut ne pas souhaiter un processus de justice restaurative, notamment parce que l'agresseureuse ne serait pas dans une démarche de remise en question et souhaite seulement pouvoir garder sa position et sa place, quoi. Voilà. Et on va retrouver aussi une critique de la différence de traitement entre des revendications féministes, qui sont sans cesse questionnées, et des revendications concernant d'autres questions politiques qui vont l'être un petit peu moins. Par exemple, je ne sais pas, c'est rare qu'on ait autant de trucs... on ne va pas nous demander de faire un cercle restauratif avec les FAF, quoi, en général. Hein ? C'est bizarre. Bref. Donc la brochure dont on a parlé, elle parle essentiellement de milieux féministes et militants, mais tout ce caca est présent partout. je vais donc enchaîner sur un exemple de comment Normiland s'y prend pour essayer de délégitimer les outils féministes et maintenir son petit confort. Quelle joie! Alors, cette partie s'intitule « Exemple de l'autre abruti sur YouTube ». La plus grande accessibilité de la culture féministe, de ses outils, de ses écrits, eh bien c'est chouette. Ça permet cependant à des granulos d'accéder à de la critique et de la transposer n'importe où et n'importe comment, on adore. Donc c'est parti pour un exemple. Il y a un youtubeur français très connu qui a sorti il y a genre 3 ans une vidéo que je dirais soft mascu. Je l'ai déjà mentionné dans une émission l'an dernier, mais là j'ai eu envie de décortiquer plus de trucs de cette vidéo. Parce que vraiment c'est caractéristique d'une déformation insidieuse. Par exemple, c'est plus insidieux que ce que va faire l'extrême droite, les FAF, tout ça. Donc une déformation insidieuse de la critique des outils féministes, des outils qui se situent au croisement de l'autodéfense féministe et d'une justice hors institution. Donc une déformation qu'on peut retrouver un peu partout dans les médias mainstream, y compris chez des personnes se percevant comme alliées. Ça illustre parfaitement un lieu commun du discours public réactionnaire à propos du féminisme, qui est le « il faut pas que ça aille trop loin ». La vidéo s'intitule « Mon problème avec la culture woke ». Alors déjà, hein, ça pose l'ambiance, donc c'est plutôt pour les personnes qui ont un mauvais a priori sur la culture woke, hein, je vois pas trop d'autres options. Je n'ai aucune envie de diffuser la voix de ce gars-là, ou des extraits, enfin bref, ça me dégoûte, mais enfin, si vous avez vraiment envie de vous faire du mal, vous pouvez trouver cette vidéo facilement. Donc mon problème avec la culture woke, la personne c'est pas un activiste mascu, il serait plutôt, on va dire, gauche mollasse, quoi, voilà. Et au début de la vidéo, il tient des propos de soutien aux féministes. Il dit que, par exemple, il va dire qu'il sait que les meufs ont conscience de l'oppression sexiste parce qu'elles la vivent et que les types ils doivent faire des efforts pour la capter. Il montre qu'il comprend qu'il y a des oppressions systémiques. Bah, après, 3 minutes après, il dit qu'il croit que le racisme anti-blanc, ça existe. Alors bon, bref, c'est vraiment bizarre, quoi. Mais bon, c'est pas le gros vilain militant mascu misogyne écrasant, là. C'est plus un espèce de monsieur tout le monde. Et il débute la vidéo en définissant la cancel culture, voilà, comme le fait de boycotter, d'appeler à boycotter une personne, que souvent, il dit que les personnes opprimées, elles n'ont pas forcément d'autres moyens d'agir parce qu'elles n'ont pas beaucoup de pouvoir. Mais c'est tout ce qu'il va dire par rapport à ça. Il dit que la culture woke désigne le fait d'être conscient des oppressions. Donc, en fait, ça va être très insidieux parce qu'il se présente plutôt comme un allié, ce qui va lui donner de la légitimité pour la suite, parce qu'adopter ce rôle de l'allié raisonnable qui accepte la lutte féministe tant qu'elle n'est pas trop affreuse, ça le montre comme modéré, à l'écoute, c'est un sage, quoi. Et bah, ensuite, ça, voilà, ça commence à... Il montre vite fait un schéma, donc pour parler de la cancel culture, hein, il montre vite fait un schéma tiré d'une vidéo de ContraPoints. Alors ContraPoints, c'est quand même une youtubeuse féministe, qui est super, elle a subi du harcèlement intracommunautaire en ligne et elle en a fait une vidéo qui s'appelle Cancel et qui parle de ça. Donc il prend juste un petit schéma qu'il y a dans la vidéo et qui montre comment c'est possible de tomber dans de la déformation et que ça peut devenir malsain quand on parle d'une personne pour la dénoncer, voilà, surtout sur les réseaux sociaux. Et qu'il va y avoir un mécanisme mental qui va se mettre en marche dans ce qu'on va dire sur les réseaux, qui va passer de « cette personne est soupçonnée d'avoir fait quelque chose » à « cette personne a fait quelque chose » et pour en arriver à « cette personne est mauvaise ». Voilà, donc il y a un espèce de truc qui peut être intéressant dans son contexte, hein, je ne dis pas le contraire, mais donc direct ce youtubeur, il s'approprie et il répète des messages critiques sur le cancelling. Il n'y a pas de déni ferme de l'intérêt de la pratique du cancelling, mais en fait, c'est pareil, parce qu'on passe sur de la critique sans avoir expliqué vraiment l'utilité habituelle de cette pratique. Ni les contextes dans lesquels ce n'est pas acceptable, enfin voilà, c'est tout dans le même sac. Et après, il dit que dans la soi-disant cancel culture, le fait d'être reconnu comme victime donne un statut protégé et de la légitimité apportée par la souffrance. Alors cette théorie, on n'en peut plus. Et c'est faux pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Elles sont délégitimées, elles sont violentées dans l'institution judiciaire si elles ont recours, enfin voilà. Bon, je vous passe le reste du contenu de la vidéo, hein, voilà, je vais pas tout détailler, ça fait 30 minutes quand même, c'est pas hyper intéressant, c'est très très confus parce qu'il mélange les pratiques, les discours, les contextes, ce chaos quoi. Mais alors on peut résumer son message par « il ne faut pas aller trop loin », Alors là, bon, c'est toujours la même merde, hein, c'est cette injonction à pas aller trop loin dans quoi ? Dans l'égalité. Là, on dirait qu'il veut pas qu'on aille trop loin dans la dénonciation des violences sexistes et sexuelles ou des oppressions, enfin voilà. Et autre message, il ne faut pas se victimiser, il y a de la victimisation. Les woke se victimisent des fois et c'est un problème parce que les personnes ne sont légitimes que par leur statut de victime et leur ressenti et c'est mal. La souffrance, elle est présentée par lui comme un truc instrumentalisé par les victimes pour avoir raison. Et donc, on en fait quoi de la souffrance, en fait ? On se tait si on est manipulatrice ? Tiens, voilà, ça me fait penser à un discours récurrent sur les relations abusives, là, où la personne abusive, elle va accuser l'autre d'essayer de la manipuler quand elle exprime simplement ses émotions. Bon, bref, c'est le bordel cette vidéo, il a aucune des bases du féminisme, il sait pas de quoi il parle, mais il a juste fait la démarche de se renseigner sur les critiques faites à certaines situations ou certaines utilisations déformées d'outils féministes, sans vraiment connaître et mettre en avant leur usage de base. J'ai eu du mal à dégager un exemple précis de comment il rend tout confus, de quel procédé de confusion auquel il a recours, parce que vraiment, c'est assez intense. Mais je vais essayer avec la partie qui m'a le plus mis les nerfs dans cette vidéo. Il utilise, hein, il se permet d'utiliser un deuxième extrait de la vidéo de ContraPoint sur le counseling, donc un extrait complètement tronqué de son contexte, qui est juste une capture d'écran qui appuie son propos de remise en question de... À quel point on ne doit pas écouter les personnes qui parlent de leur souffrance. Donc l'extrait, la phrase sur la capture d'écran étant « Des fois, les personnes opprimées ont tort ». Donc il prend juste la phrase de la youtubeuse qui dit « Parfois, les personnes opprimées ont tort », il la sort complètement de son contexte pour l'appliquer à du général, alors qu'elle est faite pour parler de situations et de contextes rares et précis et intra-communautaires. Cette phrase, elle est placée à un moment de la vidéo de ContraPoints où elle parle du harcèlement qu'elle a subi sur les réseaux sociaux venant de sa propre communauté. ContraPoints, c'est une meuf trans et lesbienne. Et donc, elle explique là qu'il y a eu une reproduction des logiques de domination et d'écrasement des personnes, une reproduction de logiques d'exclusion extrême au sein de sa propre communauté. Elle en explique les causes hypothétiques, les dynamiques de pouvoir derrière dans une vidéo de 1h30. Et cette parole autour de l'impact du trauma sur les luttes, de comment parfois on peut être touché, vrillé, pas toujours face à des situations de violence, les mécaniques de reproduction de l'exclusion, c'est un vrai truc à discuter en fait, c'est pas que c'est pas intéressant, mais là lui, il prend une phrase qui va être perçue comme légitime parce qu'elle vient d'une youtubeuse féministe très connue, il sort la phrase de son contexte et il l'utilise comme un bouclier pour ne pas avoir à écouter le point de vue des personnes. Et c'est immonde. Et je voudrais lui lancer des cacas de chat au visage comme ça, voilà. Mais voilà, c'était un exemple de réappropriation de la critique des outils féministes par des têtes de cul ineptes qui n'ont aucune légitimité à manier cette critique. Bon, c'est le moment de la conclusion de l'émission. Je suis un petit peu en retard, voilà. Et alors, pour la conclusion, j'ai invité Princesse Jugement, voilà, Princesse Jugement, et Princesse Vénère, elles vont conclure par ma voix, voilà. Et alors, bon, on a vu, la démocratisation des outils féministes, elle a malheureusement permis à des personnes n'ayant pas vraiment la culture politique avec laquelle les comprendre, de s'en emparer et de les brandir comme ça, déformer à contre-emploi pour dire « Ouh là là, les vilaines féministes, n'allez pas trop loin, on vous surveille, soyez gentilles avec les hommes, sinon vous êtes comme la police !» Alors ces personnes, elles pensent probablement bien faire, et parfois même elles ont la culture féministe, mais pourquoi ? Mais bref, donc elle retourne ses outils pour servir à un maintien des rapports de pouvoir et freiner des actes d'autodéfense féministe, et puis muser le cerveau, accessoirement. Ah, première parenthèse, quand je parle de culture politique, je parle pas de trucs de ouf super pointus d'universitaire, hein, je parle de la base, genre connaître l'existence du patriarcat, de ses conséquences variées à peu près, tu vois, avoir conscience des rapports de pouvoir que ça entraîne. Et c'est pas hyper compliqué en fait quand t'as envie de t'y intéresser. Surtout maintenant, il y a quand même moyen de trouver facilement du contenu féministe correct. Enfin, je demande à personne de connaître Butler et Wittig par cœur, ni même de savoir qui c'est en fait, on s'en fout. Je voudrais juste éviter l'inversion des rapports de pouvoir fictifs derrière laquelle se dissimulent les logiques réactionnaires. Parce que bon, le patriarcat, en fait, il est toujours là. Les personnes qui ont payé le prix, c'est toujours les mêmes. Les privilégiés, c'est aussi toujours les mêmes. Il n'y a rien qui s'est inversé. Et les victimes de violences sexistes et sexuelles, elles ramassent toujours autant. D'où l'intérêt de changer comment on s'occupe des situations de violence pour de vrai. Pas en changeant seulement un discours, en cachant les violences derrière une bienveillance de l'acceptation de tous, en écrasant les victimes, en délégitimant leurs besoins de réparation. Même avec les meilleures intentions du monde. Même si c'est parce que le fait qu'il y ait des victimes et des agresseuses, et que peut-être on soit dans l'une ou l'autre catégorie ou les deux, c'est ça qui nous paraît insurmontable. Quand on connaît rien aux outils de l'autodéfense féministe et à la justice transformatrice dans des situations de violence sexiste et sexuelle, peut-être il faudrait acquérir les bases qui sont accessibles à tous. Surtout quand on est un mec cis blanc, en fait, avant de venir ouvrir sa gueule en mode « j'ai lu deux articles sur la gestion de conflits et un bouquin féministe que je sors de son contexte, et je viens t'apprendre la vie avec mon arrogance de classe et ou de genre ». Donc ce qu'on appelle la pureté militante, c'est un souci parfois. La question du traumatisme dans les milieux queer et militants, c'est à réfléchir, ses conséquences éventuelles aussi. Les call-outs ne sont pas forcément pertinents dans certains cas, oui. Mais vraiment, si tu t'intéresses au féminisme que pour pointer d'éventuels abus, que tu lis que de la critique des outils d'autodéfense féministe et que tu n'as pas pris la peine de comprendre leur intérêt dans la plupart des situations des violences sexistes, peut-être qu'on n'a pas trop besoin de ton avis, que aussi incroyable que ça puisse te paraître, il n'est pas pertinent. On va écouter, enfin je vais vous lire un petit extrait de la conclusion de Se défendre d'Elsa Dorlin. Ça parle un petit peu de ça. Quand les proies se mettent à chasser, elles ne deviennent pas chasseurs à leur tour. Elles se défendent par nécessité. Toutefois, dans la généralisation d'un tel monde de prédation, c'est à la transformation de tous en proies que l'on assiste. C'est l'éradication de toute altérité, ou plutôt le rabattement du possible dans l'ordre de la menace et du danger. C'est aussi l'éradication de toute conflictualité politique. Le dispositif de pouvoir qui discrimine ceux et celles qui chassent et sont chassés ne vise pas à imposer une chasse de tous contre tous, mais la réduction de tous à des proies, diluant et invisibilisant les rapports de domination dans un monde devenu invivable pour tous, mais où seules certaines sont tuables et demeurent effectivement traquées. Ah, allez. Pour finir sur une note positive, bah en tout cas, il y a du mouvement. Les choses, elles changent, même si ça ne va pas assez vite. Et bon, on peut être un peu optimiste, de façon tout à fait empirique, mais quand même, c'est empirique, mais quand même, ça existe. C'est plus courant de voir des situations prises en charge. Ça arrive dans plus de contextes différents, ça se met à exister petit à petit, et peut-être un jour ce sera facile et un jour ce sera normal. Je rappelle les références principales de cette émission, le bouquin « En toute puissance » de Hacking Social, spécifiquement le chapitre sur la justice restaurative et celui sur la justice transformatrice, la brochure « Jour après jour, violence entre proches, apporter du soutien et changer les choses collectivement » qui est dispo sur Info Kiosque. La brochure « Ceci n'est pas un call-out » dispo alors entre autres sur Rébellion dans un article qui en offre un résumé, mais aussi sur des blogs, voilà, c'est pas trop dur à trouver. On se retrouve le troisième lundi du mois prochain. On sera le 20 mai. Je vous laisse avec Kissa, une rappeuse espagnole, et son morceau qui s'appelle « Cuida a tus demonios »« Prends soin de tes démons ». Dame el corazón y me lo trago. trago. Ya perdí toda mi luz con 17, ahora ni enterrada me apago. La imagen en mi cabeza como el trauma del soldado. He pasado por mucha mierda, aunque limpia lo que he sangrado. Voy a quemar el estado, quiero vivir sin gobierno. A mí solo me legisla mi tristeza y mi cuaderno. Cuando mueran mis abuelos vendrán a por mí los cuervos. Como de mala la vida para que no sean eternos. Mira, no sé tú, pero yo siempre actúo en caliente. Los problemas me enganchan como la droga. La gente quiere una vida tranquila para saber qué se siente. Aunque yo me quede en medio, no sé vivir diferente. Lo he pasado mal, pero me he hecho mucho más fuerte. Va a ser verdad que Dios manda a la guerra a sus soldados más valientes. Me han fallado personas que conocía desde hace 20, pero guardo un buen recuerdo del veneno y la serpiente. Vente a mi cabeza a ver qué entiendes. Sácame la pena de las venas con los dientes. Vengo con la tara en la cabeza desde el vientre. Cuida a tus demonios, pero no los alimentes. Me hace de psicólogo mi hermano y me devuelve a la vida. Me vale mucho más la salud de mis padres que la mía. No quiere volver a verme aunque me quiere todavía. Peor que un dolor de dientes que el cuerpo de la policía. Mala mía, todavía sigo intentando calmarme. No me bajan el pulso ni 20 tranquilizantes. Fui a 2 años por curso y ya me parece bastante. No queda ni un 2% de la Carmen que era antes. Me he vuelto fría y ya se ha vuelto distante. Tirantes en invierno y yo con frío en agosto. Me dice que me quiere y solo quiere envenenarme. Que nadie intente entenderme, solo yo me conozco. Las manos llenas de costo, ya no sé cuánto cuesta. Casa con la maldad, con mis virtudes a cuestas. Cuesta hasta respirar cuando la muerte se acerca. Cuesta mirar atrás y seguir andando en línea recta. Venga, vente a mi cabeza a ver qué entiendes. Sácame la pena de las venas con los dientes. Vengo con la tara en la cabeza desde el vientre. Cuida a tus demonios pero no los alimentes. Vente a mi cabeza a ver qué entiendes. Sácame la pena de las venas con los dientes. Vengo con la tara en la cabeza desde el vientre. Cuida a tus demonios pero no los alimentes.